Je voulais pas vous déranger, je passais là sans le savoir. Je voulais pas me dévoiler, mais ton regard m'a nettoyé. Avant je n'étais que transparent, personne autour ne me voyait. Désormais je suis important, du moins à tes yeux c'est suffisant. Je voulais être quelqu'un de grand, mais beaucoup m'ont fait me noyer. Espoir.